الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، نهى عن الفحشاء والمنكر وبالعدل والإحسان أمر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى مع سورة لقمان وبالله التوفيق. continue avec la sourate Luqman. Et on avait commencé cette sourate ou l'explication de cette sourate avec le verset 12. قال جل وعلا وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وقد تعرفنا بحمد الله عز وجل عن لقمان، وقلنا أن جمهور العلماء حتى الإمام البغوي قال إجماع العلماء، اتفقوا على أن لقمان ليس بنبي. Ici on avait dit que la majeure partie des savants, jusqu'à ce que l'imam al-Baghawi a dit que ici il y a ijma, consensus des savants sur le fait que Luqman n'est pas et n'a pas été un prophète. D'accord? قال إلا عكرمة. Il a dit sauf عكرمة. D'accord? Il n'y a que عكرمة qui s'est opposé à cet avis des savants. Donc on a dit Luqman ici n'est pas un prophète, n'est pas un envoyé. ولكن نقول لقمان الحكيم. On dit Luqman le sage. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. À qui il a été donné une sagesse, à qui il a été donné la science, à qui il a été donné fiqhu ou al-fiqhu fi din, la bonne compréhension dans la religion, à qui il a été donné ici as-sadad fi al-qawl, ici la droiture dans la parole, à qui il a été donné khashyatullahi azza wa jal, la crainte révérentielle pieuse envers son Seigneur tabaraka wa ta'ala. On a dit al-khashya c'est quoi? La peur mélangée avec la science. Ça a été donné à Luqman. Il parlait avec droiture, il parlait avec sagesse, il avait un comportement exemplaire. Il a donné des exhortations qui valent plus ou qui valent plus que de l'or à son fils, comme on va le voir bi'idnillahi azza wa jal. C'était un homme de couleur noire et c'était un homme qui était menuisier et esclave. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Et on avait aussi expliqué quel est ce bienfait qui lui a été octroyé. C'était al-hikma. Qala jalla wa ala wa laqad atayna luqman al-hikma an yashkur lillah. Allah a dit, nous avons effectivement donné à Luqman al-hikmah, la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Et ensuite Allah dit, quant à celui qui est ingrat, en vérité Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Wa laqad atayna Luqman al-hikmah. Cet homme-là, Allah Azza wa Jal lui a donné. C'est une grâce divine, c'est un don de la part d'Allah Azza wa Jalla, لأن الله قال وهذا من فضل الله عز وجل لأن الله قال ولقد آتينا أي الله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. Allah lui a donné cette grâce, ce bienfait. Ce bienfait qui est quoi? Al-hikma, la sagesse. On a expliqué ici dans le cours de la semaine dernière à peu près ce que c'était que la sagesse. On avait dit que Al-Jumhur, la majeure partie des savants, dit que la sagesse qui a été donnée à Luqman, rahimahullah ta'ala, c'était khashyatullahi azza wa jal, la crainte pieuse envers Allah azza wa jal. On a dit c'était aussi la parole droite, la bonne expression. Et on a dit que c'était aussi al-fiqhu fi din, la bonne compréhension dans la religion. Et on avait donné des explications de gens de science concernant al-hikma, la sagesse, pour bien comprendre la sagesse. On a dit aussi que al-hikma, c'est quoi? وضع الشيء في موضعه وضع الشيء في موضعه أو قل إن شئت كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وضع الشيء على الوجه الذي ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي. Ici c'est quoi? وضع الشيء في موضعه. C'est faire ce qu'il faut. C'est-à-dire ici, si on traduit vraiment comme il se doit, وضع الشيء في موضعه, c'est ici placer la chose à sa place, mettre chaque chose à sa place. Ou comme il dit Ibn Qayyim al-Jawziya, وَضْعُ الشَّيْءِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي وَفِي الْوَقْتِ الَّذِي يَنْبَغِي. D'accord? C'est de placer la chose à sa place, ou bien de faire ce qu'il faut, d'accord? De la manière qu'il faut, et au moment qu'il faut. Ça c'est la sagesse. Et celui qui a réagi comme ça, c'est un sage. En réunissant les paroles de gens de science, on peut dire que le sage, al-hakim, celui qui a de la sagesse et qui est comblé par ce bienfait, on peut voir ses traits de caractère que je vais citer maintenant. Quel est le sage, l'homme sage? Et ensuite, on va voir qu'on a le droit d'envier la personne, ce qu'on appelle al-ribta. Laysa al-hasad, al-ribta. الغبطة في الدين جائز كما سنرى إن شاء الله تعالى. On va voir بحول الله عز وجل qu'est-ce que ici, on va voir بحول الله عز وجل qu'on a le droit d'envier ici le sage. On va voir que بإذن الله عز وجل on a le droit d'envier la personne qui a cette sagesse-là car c'est un grand bienfait. Et on va voir comment acquérir cette sagesse-là. D'accord? Comment avoir cette sagesse-là? D'abord, en résumant les paroles des savants. Mal hikma. C'est quoi le hikma? Le sage, ici, c'est celui qui a une bonne compréhension. Si tu veux reconnaître une personne qui a de la sagesse. C'est celui qui a une bonne compréhension dans la religion. D'accord? Qui a une bonne compréhension dans la religion. Ce n'est pas qu'il a de la science. Non. Qui a une bonne compréhension. Ce qu'il a appris, il l'a bien compris. Il y a une différence. Apprendre sans comprendre, et apprendre et comprendre ce que tu as appris. C'est ce qui nous importe. Pour ensuite le mettre en application de la meilleure des façons, bi-ikhlas, avec sincérité. Naam. C'est celui qui a une bonne compréhension, qui le pousse à craindre Allah Azza wa Jal. Ah, parce qu'on a dit que la peur d'Allah Azza wa Jal accompagnée d'une bonne compréhension de science, c'est quoi? Khashiyatullah Azza wa Jal. Celui qui a une bonne compréhension. Cette bonne compréhension, c'est une science bénéfique. Parce qu'il faut que la science soit bénéfique. Naam, sinon ça ne sert à rien. Ici, on dira même que cette science sera un argument contre toi au jour de la résurrection. Naam, une science bénéfique. D'accord? Celui qui a une bonne compréhension, qui celle-ci le pousse à craindre Allah Azza wa Jal et à parler avec droiture. D'accord? C'est une bonne compréhension qui te pousse à craindre Allah Azza wa Jal. Et on voit cette crainte d'Allah Azza wa Jal à travers, bien sûr, tes paroles. Donc, cette crainte d'Allah Azza wa Jal elle-même te pousse à parler avec droiture. As-sadad. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah Azza wa Jal nous l'ordonne. Il dit, oh vous qui avez cru, craignez Allah Azza wa Jal et parlez avec droiture, avec bonne parole, avec parole claire, pas accompagnée d'ambiguïté ou de passion. Wa qulu qawlan sadida. Bonne compréhension qui te pousse à craindre Allah Azza wa Jal. Et cette crainte d'Allah Azza wa Jal te pousse à quoi? À parler avec droiture. Et cette même personne, elle réagira comme il se doit, au moment qu'il se doit, et de la manière qu'il se doit. Ça, c'est la personne sage. Tu vois quelqu'un qui a de la science, qui a une bonne compréhension, qui craint Allah Azza wa Jal, à travers ses paroles, jusqu'à ce qu'il parle avec droiture, et à travers son comportement aussi. C'est-à-dire que son comportement montre que c'est une personne qui craint Allah Azza wa Jal. Et quand il parle, ou dit si tu veux, quand il réagit, il réagit comme il se doit, de la manière qu'il se doit, au moment qu'il se doit, ou au moment qu'il faut. D'accord? Il réagit comme il faut, de la manière qu'il faut, au moment qu'il faut. C'est-à-dire, il se mélange pas ou il mélange pas les pinceaux. Il sait quand parler, quand pas parler. Quand se taire, quand parler. Quand faire ad-da'watu ilallah, quand il dit non, ça a reporté ad-da'watu ilallah. Quand être dur, le prophète était dur, na'am, le prophète était dur. D'accord, le prophète était dur ou pas? Le prophète alayhi salatu wassalam était dur. Il y a des fois où le prophète était dur. D'accord, et ça, wa hadha min al-hikma aw min hikmati rasulillahi alayhi salatu wassalam. Ça fait partie de la sagesse du prophète alayhi salatu wassalam, car celui qui a ici la qui a atteint un degré de sagesse dont personne ici à notre époque ne pourra atteindre, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et avec cela, il était dur. Quelquefois, il était dur avec les compagnons à travers ses expressions, à travers ses réflexions, quand les limites d'Allah Azza wa Jal étaient dépassées, ou quand quelqu'un transgressait dans la religion. D'accord? Quand être dur? Quand être doux? Car le prophète était doux aussi. D'accord? Mais il n'était pas toujours doux. Quelquefois il était dur. Il était dur mais pour la vérité. Naam? Quand être doux? Quand ici répondre au mal avec douceur? Quand répondre au mal en étant dur? Ça ne veut pas dire en faisant n'importe quoi. Non. En étant plus strict et plus sévère. D'accord? Quand parler? Quand c'est le mieux de se taire? D'accord? Quand c'est le mieux de dire Allah a dit, quand c'est le mieux de dire non, le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Quand c'est le mieux de parler du châtiment d'Allah, quand c'est le mieux de parler de la miséricorde d'Allah azza wa jal. Comment t'adapter envers les personnes? D'accord? Comment réagir? Celui-là, c'est la personne qui a de la sagesse. Si il réunit tout ce que je viens de citer, il a une bonne compréhension dans la religion, qui le pousse à craindre Allah azza wa jal, parce que parler, tout le monde peut le faire. ولكن il faut appliquer ce qu'on dit. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Oh, vous qui avez cru, qui dites des choses que vous ne faites pas, c'est une abomination près d'Allah de dire des choses que vous ne faites pas. Non, il parle, d'accord, avec droiture, d'accord, il a la bonne compréhension qui le pousse à appliquer, à craindre Allah Azza wa Jal, clair, à parler avec droiture, d'accord, il fait ce qu'il faut. de la manière qu'il faut, au moment qu'il faut, celui-là, il a de la sagesse. Allahumma arzuqna al-hikmah. Qu'Allah, il nous octroie cette sagesse. Parce que si celui-là a de la sagesse, tu as le droit en islam de l'envier. Ah, envier ton frère parce qu'il a une belle voiture, comme je dis souvent, c'est de la jalousie accompagnée de gaminerie. Parce qu'il a une plus belle voiture. Et après, tu vas gagner quoi? Tu vas avoir une plus belle voiture que lui. Et après, khlas, cette voiture, elle atterrira à la casse comme toi, tu vas atterrir sous la terre. C'est quelque chose d'éphémère. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur la surface de la terre est éphémérité. Est voué à quoi? À disparaître. Walakin, celui qui a ces choses-là, tu as droit de l'envier. Comme quoi? Al-hikmah. Al-ilm. D'accord? Celui qui a la science. Celui qui a la sagesse. Celui, par exemple, qui a beaucoup d'argent et qui achète des maisons, des voitures. Non. Celui qui a beaucoup d'argent et qui dépense fi sabilillah azza wa jalla. T'as droit de l'envier? T'as droit. Ça, c'est pas la jalousie qu'on appelle en islam. C'est ce qu'on appelle l'envie, si on veut, c'est ce qu'on appelle al-ribta. D'accord? C'est une envie permise. Mais ici, c'est une envie permise, c'est-à-dire tu ne dis pas j'aimerais bien qu'il puisse plus faire cette action celui-là et qu'il soit égaré. Non, tu l'envies parce qu'il fait du bien et tu dis j'aimerais être comme lui. Et je l'envie par rapport au bien qu'il fait et tu dis comme le prophète alayhi salatu wassalam t'a enjoint de dire anna an-nabi alayhi salatu wassalam qala kama fi sahih muslim al-aynu haqq, car le prophète a dit dans sahih muslim l'œil est une vérité, tu dis ma sha Allah tabarakallah. Bismillah, masha Allah. Par exemple, tu dis les invocations qui relèvent de la sunna pour éviter que tu le tapes ici de l'œil. Que tu le tapes de l'œil. Ici, tu as droit de l'envier comme on va le voir, bi'idnillah azza wa jal. Mais avant cela, avant de rappeler ou de montrer la preuve que tu as droit de l'envier, il faut bien comprendre qu'Allah azza wa jal, il dit dans le Coran al-Karim, wa laqad Ataina, avant de parler de Luqman, avant de parler de Al-Hikmah, avant de parler de ce qu'on va parler, quelque chose qui est un sujet qui fait partie des sujets les plus importants en islam et qui est un sujet magnifique, Al-Shukr, la reconnaissance. Regardez, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il commence par Walaqad Ataina. On a certes donné à Luqman Al-Hikmah, la sagesse. Qui? Allah. Ça nous rappelle que Al-Hikmah, c'est un bienfait et c'est un don divin. C'est Allah qui le donne. C'est pas les gens qui vont te le donner. C'est pas un savant qui va venir te donner une tazkiyah en disant khlas, toi tu as le hikmah. Non, il peut te dire toi tu as tel niveau. Oui, mais est-ce qu'il peut dire toi tu as de la sagesse, je te certifie khlas et donc je te donne de la sagesse. Il peut pas te donner cette sagesse là. D'accord? Il peut te dire oui khlas, juger en disant celui-là c'est une personne avec de la sagesse. Mais plutôt je me rectifie, il peut pas te donner cette sagesse là. D'accord? Il peut pas dire je vais te donner la sagesse, khlas, prends cette sagesse là directement. D'accord? Et à qui il veut? Non, c'est un don divin. C'est Allah Azza wa Jal qui le donne. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ. D'accord? Ici, Allah Azza wa Jal, il donne la sagesse à qui? À qui il veut. Naam? Ici, Allah Azza wa Jal, il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse, al-hikmah, est donnée, Allah il dit, vraiment, c'est un bien immense qui lui a été donné. D'accord? Allah Azza wa Jal, il donne à qui il veut. Mais celui qui l'a eu, Allah, il dit, il lui a été donné un bien ou une grâce immense. Il n'a pas dit une grâce de la part d'Allah, une bonne grâce, une grâce immense. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est une grâce, certes, immense. D'accord? Comment l'avoir cette hikmah, cette sagesse-là? On a compris que c'est un grand bienfait d'avoir cette hikmah. Que c'est Allah Azza wa Jal qui le donne. D'accord? Qui donne. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. C'est Allah Azza wa Jal qui donne la sagesse. À qui? À qui il veut. Parmi ses serviteurs. Et celui à qui Allah a donné, il lui a certes donné un grand bien. Non, plutôt une grâce, un bienfait énorme, immense, kathira. D'accord? Pour montrer la grandeur de ce bienfait. Clair. Maintenant, quelqu'un va dire, je veux avoir cette hikmah. J'ai compris que c'est Allah qui la donne. Mais il y a des causes, na'am, il y a des causes. D'accord? C'est Allah qui la donne. Mais il y a des causes pour l'acquérir. Parmi ces causes, il y a, on a dit c'est quoi le hikmah? Al-fiqh fi din. La bonne compréhension de la religion. On a dit c'est ça. D'accord? Pour bien comprendre la religion, il faut d'abord apprendre ce que tu dois comprendre. Donc c'est apprendre ta religion. Et le prophète alayhi salam dit kama jaa fi sahih muslim talabul ilm faridatun ala kulli muslim. L'apprentissage de la religion, c'est obligatoire, de la science, c'est obligatoire pour tout musulman. Donc musulman et musulmane. Clair. Tu dois apprendre ta religion. Et quand tu as appris ta religion, il faut que tu comprennes ce que tu as appris. D'accord? Il faut que tu comprennes ce que tu as appris. Et que tu t'efforces ici d'avoir une intention sincère. Parce que sinon, ça t'importe peu. T'apprends pour dire un tel apprend. Tu viens à l'école pour dire bon, khlas, ils vont dire que je viens au cours. tu fais ceci pour dire bon tiens, etc. Ceci vont dire que je suis une personne kada wa kada. Non, Allah dit dans le Coran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا. Cependant, il ne leur a été commandé que d'adorer Allah Azza wa Jal en lui vouant un culte exclusif pur. D'accord, pur. Nous, on adore qu'Allah. On n'associe rien à Allah Azza wa Jal dans nos actes d'adoration. D'accord. Donc, j'adore Allah. J'apprends ma science pour Allah. D'accord. Et je mets les deux intentions que l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a dit. Tu mets l'intention de t'en sortir de l'égarement et d'en sortir les gens de l'égarement quand tu apprends ta science. Pourquoi? Comme je le dis souvent, si tu as ces deux intentions-là, tu vas être plus concentré pendant les cours. Parce que quand tu vas apprendre, tu vas dire « Khlas, je dois m'en sortir ou m'éloigner de l'égarement, mais je dois aussi, parce que c'est une obligation. Allah, il t'a ordonné de transmettre cette religion. Clair? Allah, il l'a ordonné ou pas? Naam, qu'est-ce qu'il a dit? « Ud'u ila sabili rabbika. » Ah, mais comment? Avec quoi? « Bil hikmati wal maw'idhati al-hasana. » Appelle au sentier de ton Seigneur. Donc c'est obligatoire, mais pas comme tu veux. Comment? Bil hikma. Ah, avec sagesse. Donc tu as besoin de cette sagesse. Mais c'est obligatoire pour toi. Donc tu dois acquérir cette sagesse. Utilise les causes. Parmi les causes, al-ilm. Mais ici, même si tu as al-hikma, tu as l'ordre de transmettre cette religion. Donc tu mets l'intention, ce que j'ai appris, je dois le transmettre pour en tirer les gens du feu. Car c'est une obligation. Et pourquoi pas, alors qu'Allah dit dans le Coran al-Karim, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَ بَنِي مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Certes, ceux qui ont mécru ont été maudits de la part d'Allah Azza wa Jalla parmi les enfants d'Israël, مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ wa Isa ben Maryam, sur la langue de Daoud et de Jésus, Isa, fille de Marie, de Maryam. Ici, Allah Azza wa Jalla dit quoi? Ici, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَ بَنِي مَرْيَمْ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Ils ont désobéi et ils transgressaient. Ensuite, il dit, c'est les causes pour lesquelles ils ont été maudits. C'est quoi les causes? Ils désobéissaient, ils transgressaient. Et ensuite, Allah dit, كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ. Ils ne s'interdisaient pas le mal qu'ils faisaient mutuellement. C'est une des causes que tu reçois la malédiction d'Allah Azza wa Jal wa l'ayyadu billah. C'est-à-dire, le fait que tu vois un munkar et tu ne regardes pas le munkar. Tu vois quelque chose de répréhensible, tu dis rien. Tu vois le mal, tu dis rien. Tu vois ton frère qui ne prie pas, peu importe. Tu vois ta soeur qui ne met pas le hijab, peu importe. Tu vois ton frère qui ne vient pas jamais, peu importe. Tu vois ton frère désobéir à Allah, peu importe. Et tu dis non, moi je ne veux pas parce que chacun sa vie, non, abadan. Sache que ça, c'est une cause de la malédiction. T'es responsable. Et tu rendras des comptes sur cette responsabilité qui est quoi? Ad-da'wa. Ad-da'watu ila Allah Azza wa Jal. Bil-hikmati wal-maw'ivati al-hasana. L'appel à Allah Azza wa Jal avec sagesse et bonne exhortation. Si tu veux pas être maudit, tu dois appeler au sentier de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et pour ça, il faut quoi? Al-ilm. Il faut la science. Il faut la science et la bonne compréhension. Donc ici, c'est impératif que tu te donnes ces deux intentions-là, ya Abdallah. Je m'éloigne de l'ignorance et j'éloigne, je serai la cause que les gens vont s'éloigner de l'ignorance. Et à ce moment-là, tu vas retenir mieux les cours. Parce que c'est comme si tu te dis, j'ai un examen à passer. À ce que j'apprends, je dois le transmettre. Ah, il faut que je le retienne bien. Mais si tu ne te mets pas cette intention, je dois transmettre ce que j'ai appris. C'est comme si on te disait, révise une leçon, mais tu n'as pas d'interrogation. Mais si on te dit, révise cette leçon et tu seras interrogé, tu auras une interro. Est-ce que tu vas te concentrer mieux dans la révision? Naam, c'est pareil. Et c'est comme ça que tu avances dans l'apprentissage de la religion. Quand tu écoutes un cours, n'importe quel cours, dis-toi, j'enregistre et comme ça, incha'Allah ta'ala, quand j'appellerai à Allah et je ferai ad-da'watu illallah azza wa jalla, je ferai avec un bagage, avec du ilm, avec de la science. Et c'est dans cette da'wa qu'Allah y met al-baraka. Si tu as de la science et tu as de la sincérité et tu as de la sagesse. Khlas. On revient. Al-hikmah, comment la voir? Avec al-ilm. Avec la bonne compréhension. Faut bien comprendre ici ce que tu apprends. Aussi, khalas, tu as de la science, tu essaies de comprendre. Pour comprendre, tu vas pas comprendre tout seul en lisant un livre. Il faut l'explication du livre. Et je vous mets au défi ici de prendre Ibn Kathir, wala nuzakki 'ala Allahi ahada, et de prendre Ibn Kathir en arabe ou en français, et de prendre ici la ayah qu'on est en train de traiter, et rester chez vous tout seul. Et vous allez voir si vous allez tirer les fawaïd ici qu'on est en train de tirer nous ici ensemble. Je vous mets au défi. Vous l'avez Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, on traduit. Prenez-le en arabe, il est plus complet, certes, et prenez Al-Qur'an Al-Karim et vous verrez. Non, il faut qu'il y ait l'explication des versets. Bi fahmi salaf al-umma, avec la compréhension des ancêtres pieux, wa bi aqwali al-ulama al-mutahaqqiqina bil ilm ash-shar'i. Ici avec la parole des gens de science. D'accord? Tu as la bonne compréhension, alhamdoulillah. Même le peu, alhamdoulillah, on dit pas tu dois être un grand savant. Non. ce que tu apprends, tu le comprends. Al-fahmu fi din, d'accord? Man yuridillahu bi khayran yufaqqihu fi din, comme قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. Le prophète il a dit, celui à qui Allah il veut du bien, il lui donne. Ah, c'est pas la science, non. La science accompagnée de bonne compréhension. Al-fiqhu fi din, al-faqih, la bonne compréhension dans la religion. La bonne compréhension dans la religion. Il faut quoi encore? J'apprends, je comprends ce que j'apprends. Ici, Luqman, rahimahullah ta'ala, al-hakim, qad su'ila, il a été interrogé. Et ils lui ont dit, yani, comment tu as acquéri cette sagesse-là? Comment tu as réussi à avoir cette sagesse-là? Il a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit, Luqman? Il dit, ici, par la cause de plusieurs, yani, on va dire par, il a cité plusieurs points. Le premier des points, il a dit, ce qui a fait que j'ai eu cette sagesse-là, de la part de mon Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, c'est que je baisse mon regard. Yarhamukallah. Il dit, c'est que je baisse mon regard. Ah, on a parlé de l'ilm, khlas, on a parlé de la bonne compréhension. Ça suffit pas d'avoir des tonnes de science. Mais il faut quoi? Khashyatullahi azza wa jal. La crainte envers Allah azza wa jal. Et la crainte envers Allah azza wa jal, elle se fait quoi? Bil qalb, wa bil lisan, wa bil jawarih wal arkan. Ici, elle se fait avec le cœur. Tu crains Allah avec ton cœur. Avec la langue. Quand tu parles, tu dis pas n'importe quoi. Tu parles, tu dis pas des obscénités. Tu parles, tu insultes pas. Tu parles, tu ne parles pas sans science sur la religion. Tu parles, tu n'insultes pas. Tu parles, tu médis pas. Tu parles, tu mens pas. Ah, c'est ça, khashyatullahi azza wa jal. La crainte d'Allah azza wa jal avec la langue aussi. D'accord? Et ici aussi, wabil arkan. D'accord? Et avec, yani al-a'da, wabil arkani wal jawari. Ici, c'est avec les membres. C'est avec les membres. D'accord? C'est-à-dire, tu pries, t'obéis à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. D'accord? Tu fais tes prosternations, tu fais tes rukou', tu fais tes sujoud, tu fais le bien, tu donnes fi sabilillah, tu aides ton frère physiquement, tu fais du bien à travers tes membres. Ça c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal, ça fait partie de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Clair? C'est pour ça que ici il montre l'application de quoi? Al-fiqhu fi din. Donc on a dit pour avoir al-hikma comment? Il faut avoir al-fiqhu fi din, la bonne compréhension, al-ilm. Walakin kama qala al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala, on ne connaît pas les savants par la quantité de science. Ah, bi kathrati ilmihim. Non. Walakin il dit, on connaît le savant par la quantité ou sa quantité de quoi? Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Min kathrati khashyatihi lillahi azza wa jal. Par la quantité de sa crainte d'Allah azza wa jal. Regardez l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Il dit, al-alim, on ne dit pas celui-là c'est un alim parce qu'il a beaucoup d'ilm. Non. Parce qu'il a beaucoup de crainte d'Allah Azza wa Jal. Il dit, c'est comme ça qu'on reconnaît les savants. Et il dit la preuve, Ad-Dalil, Allah il dit, innama yakhsha Allah, innama yakhsha Allah min ibadi l'ulama. Quand il dit, il rappelle que ceux qui le craignent le plus parmi ses serviteurs, ce sont les savants, il dit quoi? Ceux qui me craignent le plus, ah, parmi les serviteurs d'Allah, c'est qui? Al-ulama. Donc logiquement, c'est ceux qui ont le plus de crainte. L'imam Ahmad il dit, c'est comme ça qu'on reconnaît le savant. Ah, khlas. Donc on a dit al-ilm, al-fiqhu fi din, qui se confirme par quoi? Al-khashyatullahi azza wa jal. Al-khashyatullahi azza wa jal, elle se fait à travers al-qalb, wal-lisan, wal-jawarih, wal-arkan. C'est pour ça que Luqman, quand il a été interrogé, il lui dit, comment t'as acquéri cette sagesse? Bien sûr, il y a al-fiqhu fi din, la science, mais ici, il montre l'application, il dit, en baissant mon regard. Khalas, tu veux le hikma, baisse ton regard. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. وكذلك قال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. الله عز وجل nous a ordonné de baisser le regard quand on voit une chose illicite. Clair? Ça c'est une des causes par laquelle Allah عز وجل fait qu'il te donne ici la al-hikma. Il dit deuxième des choses, en préservant al-lisan, ma langue. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول, et certes il a dit vrai Ibn Mas'ud quand il a dit, ce qui mérite le plus d'être emprisonné sur la surface de la terre, c'est quoi? Al-lisan, la langue. En préservant ta langue, khlas. Ah, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. On avait dit c'était al-qawla sadid aussi. C'est ça, ici al-hikma. C'est préserver sa langue. C'est pour ça que Luqman, ici, il avait des paroles droites, justes. D'accord? Il disait pas n'importe quoi. Il disait, en baissant mon regard, en préservant ma langue, en préservant mes parties. Khlas, le prophète alayhi sallam, il a dit, celui qui me promet ce qu'il y a entre eux, ses mâchoires, ses lèvres, c'est-à-dire la langue, et entre ses cuisses, je lui promets le Al-Jannah, le paradis. Khalas. En préservant mes parties. D'accord ? وَالَّذِينَ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ الْآيَةِ. Allah Azza wa Jalla dit, et ceux, quand il parle de qui ? Les croyants, vertueux, sincères, véridiques. D'accord ? Il dit, c'est qui ces croyants-là ? Ceux qui préservent ici leurs parties. D'accord ? Sauf avec leur épouse, etc. Préserve, en préservant mes parties. En préservant l'honneur, le droit de mon voisin. Subhanallah. Quand on traite le sujet du voisin, pourquoi on dit à chaque fois, certaines personnes disent, oh, le voisin, bon, il y a plus important. Vous avez vu, deux fois j'ai traité le sujet du voisin. Est-ce que c'est important ou pas? Et pourquoi pas, alors que le prophète, alayhi salam, قال, كما جاء في صحيح مسلم, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. قيل من يا رسول الله. Le prophète, il a dit trois fois, wallahi qu'il n'est pas croyant. Wallahi qu'il n'est pas croyant. Wallahi qu'il n'est pas croyant. Ils ont dit, qui, ya رسول الله? Le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit qui? من لا يأمن جاره بوائقه. Celui qui ne préserve pas son voisin de son mal. يعني شره, de son mal. Celui qui ne préserve pas son voisin de son mal, si minime soit-il, ici. Donc tu n'as pas droit de porter atteinte à ton voisin. Le prophète il dit wallahi la yu'min. Comment tu vas avoir le baraka dans ta da'wa? Être un sage alors que le prophète il dit sur toi, tu n'es pas croyant, tu n'es pas croyant, tu n'es pas croyant si tu ne préserves pas ton voisin de ton mal. D'accord, il dit en préservant mon voisin. Donc on a dit le fiqh fi din, la bonne compréhension, l'ilm, j'apprends ma science, je baisse mon regard, je préserve ma langue, je préserve mes voisins, je préserve mes voisins. Et ensuite il dit quoi, Luqman, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, il dit ici, en accueillant généreusement, d'accord, et en s'occupant généreusement, avec générosité, de la meilleure des façons, qui ? Ad-daif, mon invité. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله كما جاء في صحيح البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il s'occupe, يعني qu'il s'occupe avec générosité comme il se doit de la meilleure des façons envers son voisin. D'accord, il dit quand j'ai un voisin, je m'occupe de la meilleure des façons envers lui. خلاص, le voisin, d'accord, et l'invité. Quand j'ai un invité, je m'occupe de lui de la meilleure des façons. Claire ? Il dit وَتَرْكِ مَا لَا يَعْنِينِ. Il dit en délaissant ce qui ne me concerne pas. Ah, مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ كَمَا قَالَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِينِ. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, on en a fait toute une conférence, tout un sermon, ce qui fait partie du bel islam du croyant. Ah, min husni islam il mar'i. Donc ça veut dire qu'il y a des degrés même chez les croyants. Ce qui fait partie du bel islam du croyant, ce qui embellit ses pratiques religieuses, qui ici perfectionne ses pratiques religieuses, qui montre que c'est un croyant ici qui est sur le droit chemin et sur la vérité, tarkuhu ma la ya'ni. C'est il ne se préoccupe pas, ou alors il délaisse ce qui ne le concerne pas. Khlas, t'as pas entendu un tel? Khlas, ça me concerne? Non, salam alaikum. Ouais, mais celui-là, c'est pas mes affaires. Salam alaikum. Si c'est tes affaires et tu dois t'en occuper, tu dois t'en occuper. D'accord ? Si tu sais que tu as une cause où il y a ici une maslaha, un intérêt pour que tu rentres dans cette affaire, rentre, sinon tais-toi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah aujourd'hui, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ou qu'il se taise. Tarkuhu ma la ya'ni, comme a dit le Mustafa alayhi salatu wassalam. Ba'd al ulama, ils ont dit : celui qui veut prier, d'accord, من أراد أن يصلي بخشوع كما قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Certes, sont bienheureux, ont réussi les croyants qui ont الخشوع, l'humilité, qui sont humbles dans leur prière. Ah, si tu veux être parmi ces croyants-là, parce que ça ne suffit pas de prier. D'accord, et du début, tu es à Géant, au milieu, tu es à Carrefour, et à la fin, tu es au centre commercial Leclerc. Tu as gagné quoi de ta prière? Mais pour prier avec خشوع, c'est-à-dire avoir le cœur en relation avec Allah. Personne ne va mentir. Souvent, on a des pertes de yani, on divague, on part un peu, on a un souci, on a, d'accord. Mais, comme le prophète, alayhi sallam, il a dit, au kama qala alayhi sallatu wassalam, certains d'entre vous, ils auront un huitième de leur prière, un cinquième de leur prière, la moitié de leur prière, un tiers de leur prière. Ça dépend de leur concentration. Au kama qala alayhi sallatu wassalam, il a dit, chacun aura une partie de sa prière. Ça dépend de sa concentration. Donc, parmi les causes qui font que tu es concentré dans la prière, on a déjà fait un sermon sur le khushu', mais parmi les causes, les savants, ils ont dit quoi? تركه ما لا يعنيه. Et ça c'est clair. Délaisse ce qui ne te concerne pas. Pourquoi? Quand tu es dans la prière et tu dis Allahu Akbar, d'accord, normalement Allahu Akbar, on commence avec takbiratul ihram. Pourquoi? Pour te rappeler que Allahu Akbar, ay Allahu Akbar min hadhihi al-hayati ad-dunya. Allah est plus grand, Allah est le très haut, et Allahu Akbar, Allah est le plus haut. Il est plus haut que toute cette vie d'ici-bas. Donc tout ce qui l'englobe, tous tes problèmes, tout ceci, tout cela, mais l'autre, c'est pour ça que tu dois méditer juste dans Allahu Akbar, c'est khlas, t'oublie. Allah, il est plus haut que tout ce que j'ai, tous mes problèmes, tout khlas. Quand tu rentres dans la prière et quand tu penses, en général, c'est quoi? Tu penses à des choses de ta vie, à toi ou pas? En général, c'est de ta vie. Déjà avec tes problèmes dans ta vie, avec tes soucis, avec tes responsabilités, avec ceci, avec cela, déjà tu pars. Ah, je dois faire ça, ah, ceci, ah, cela. Ah. Alors imagine maintenant, tu t'occupes de la vie des gens. Ça va être pire ou pas? Ça va être pire, parce que même quand khlas, shaitan il va dire khlas, j'ai plus de quoi lui faire entrer dans la tête. Parce que vous savez qu'il y a un shaitan qui s'occupe de nous, comme dans un hadith avec Uthman radiallahu ta'ala anhu warda. Ici, il y a un shaitan qui s'occupe ici de nous déranger pendant la prière. Et il s'appelle comment? Khanzab, ou Khinzab, ou Khunzab. Et les trois sont authentiques et sont bons. D'accord? Donc les trois appellations. Khanzab, c'est celui-là qui vient te déranger dans la prière. Le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit, tu fais quoi quand tu ressens ici des suggestions pendant la prière, tu penses à ceci, cela? Tu mets ta tête vers la gauche, tu dis A'udhu billahi minash shaitani rajim, et tu souffles trois fois. Tu fais tout simplement, discrètement. D'accord? Parce que quand je dis souvent, il y a des personnes âgées ou des personnes qui ne connaissent pas, quand ils vont voir ça, ils vont dire Adam Jnoun, ou Ada, il va faire un scandale, il va dire il crache sur moi. Donc ici, tu le fais doucement, un peu à gauche, et tu dis doucement A'udhu billahi minash shaitani rajim, tu fais trois fois. D'accord? Kama qala alayhi salatu wassalam. Donc on sait que ici, il y a ces shayatim qui viennent nous déranger. Mais ici, il essaie de te faire penser à des choses. Mais quand il voit qu'il n'y a plus rien, khlas, même lui, il a court d'idées, qu'est-ce qu'il fait? Khlas, écoute, il y a un tel, t'as vu qu'est-ce qu'il a? Il a ce problème, il a ça, il a dit, il a. Mais si tu t'occupes pas de ce qui te. Tu t'occupes que de ce qui te concerne à toi, khlas, t'as déjà moins de pensées à avoir dans ta prière. C'est pour ça, les ulama, ils ont dit, une des causes qui fait que tu as le khushu' dans la prière et qui t'aide, c'est que tu ne t'occupes pas ou tu t'occupes que de ce qui te concerne toi et qui t'importe toi. D'accord? Même les ulama, ils disent, par exemple, même le alim, il n'est pas exempté d'avoir ces insufflations, ces instigations de shayatin, mais seulement c'est autre chose. Quelqu'un qui est loin de la religion, shaitan va lui dire, tiens, tu vas faire un business ici, tu vas faire un commerce ici, tu vas gagner de l'argent, tu vas faire une affaire. Un mal'alim qui est vraiment atteint ou qui a atteint un certain degré de piété, de science, de zoh, de délaissement, tu crois que shaitan va le laisser? Non. Il va lui dire quoi? Ah, c'est dans ce livre le hadith que tu cherchais. Ah, le charh de ce verset coranique, il est dans tel livre. Ah, même dans l'ilm, il va rentrer. Parce que shaitan, il rentre même par la porte du bien. Il va y rentrer par une autre, mais il va pas le laisser. Shaitan, il laisse personne tranquille. Jusque ta mort, Shaitan, il te laissera pas tranquille, et Abdallah. D'accord? Donc ici, nous disons, ce qui fait partie des causes qui font de toi une personne sage, on reprend, al-fiqhu fi din. Clair? La bonne compréhension dans la religion. On est d'accord. On a dit aussi, Luqman, quand il a été interrogé, qu'est-ce qu'il a dit? Baisser son regard. Préserver sa langue. Préserver ses parties. Préserver son voisin. Agir avec générosité envers quoi? Envers qui? Envers son invité. Yani, délaisser ce qui ne te concerne pas. Et il a dit, tout ceci m'a conduit à ce que tu vois maintenant. Celui-là, billahi alaykoum, qui a cela. Vous croyez que c'est le hikmah, quelqu'un qui arrive ici, qui va venir directement et qui va dire, moi j'ai de la hikmah, j'ai de la sagesse, c'est comme ça, ça se gagne comme ça. C'est Allah Azzawajal qui le donne. C'est un don divin. Celui à qui il a été donné la sagesse, certes il lui a été donné une grâce ou un bien immense. Non, c'est pas comme ça. On dit, on va voir, on va tester. Moi j'ai de la science, j'ai la bonne compréhension dans la religion. Je sais comment, quels sont les critères. Bonne compréhension de la religion. Subhanallah, t'apprends où ta religion toi? Je te vois jamais au cours, je te vois jamais ici, tu t'apprends jamais. Toi t'as le hikmah. Déjà, première condition, tu l'as pas. Khalas, t'as échoué. Donc, alhamdoulilah, moi j'apprends, j'ai l'ilm, j'ai la bonne compréhension. Khalas, on passe à là. Est-ce que c'est une personne, ici quand tu le vois, il baisse son regard? Naam, masha'Allah. Quand il parle avec droiture, toujours. Masha'Allah. Khalas, c'est un deuxième décile. Khalas. Quand il a un invité, t'as déjà été invité chez lui. Khalas, il s'occupe de toi de la meilleure des façons. Khalas. Son voisin, ses voisins se plaignent pas de lui. Khalas. Ici, il préserve sa chasteté. Il n'est pas réputé pour être, yani, dans zina, azzakumullah, ou autre chose. Khalas. Ici, il s'occupe pas des choses qui ne le concernent pas. Un tel a dit, un tel a fait, un tel a ceci, cela. Khalas. Parce que quand il s'occupe des gens, c'est quand on l'appelle, ou pour, ici, juger avec droiture et avec équité. Mais t'as besoin de hikmah pour juger avec équité. T'as besoin ou pas? On va le voir. Donc quelqu'un qui n'a pas le hikmah, qui se range. C'est mieux pour lui. On va le voir, bihawlillah azza wa jal, avec l'épreuve du Coran. Cette personne-là, envie-le, ya Abdallah. et invoque Allah Azza wa Jal pour qu'il te donne la même sagesse qu'il a donnée à cette personne-là, si ce n'est plus. Cette personne-là, tu peux l'envier, insha'Allah ta'ala. Et on dit, نَحْسَبُهُ كَذَلِكَ وَلَا نُزَكِّ عَلَى اللَّهِ أَحَدًا. D'accord ? Nous, on pense qu'il est comme ça. D'accord ? Mais c'est Allah Azza wa Jal, c'est à Allah Azza wa Jal qui détient, c'est Allah Azza wa Jal qui détient le fait de purifier, de glorifier une personne. D'accord ? Et ce n'est pas à nous. D'accord ? Ou plutôt, c'est Allah Azza wa Jal. Nous, on ne peut pas glorifier une personne au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Nous, on juge les actions. D'après ce qu'on voit, on dit, masha'Allah, il est bien, il a l'hikma, insha'Allah wa ta'ala, nahsabuhu kathalik, wala nuzaki ala Allah, ahada. Khlas. Pourquoi tu peux l'envier? Rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. Rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim fi al-Sahihain. Dans un hadith rapporté par Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu warda, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, l'envie n'est permise que dans deux cas. Ça, c'est un hadith. D'accord? Ici, qualitatif, pas quantitatif. Quelquefois, quand le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, l'envie est permise que dans deux cas. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que deux cas ou qu'il y a d'autres cas? Ça, c'est des hadiths qui sont qualitatifs et pas quantitatifs. C'est pour montrer la qualité de ces deux choses, pas la quantité. C'est-à-dire qu'il n'y a que ces deux personnes que tu peux envier. Ça, il faut le comprendre. D'accord? C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, par exemple, celui qui a ça, c'est le meilleur. Celui qui a ça, le meilleur des croyants, c'est celui-là. Mais dans un autre hadith, le meilleur des croyants, c'était un autre chose. Non, ça veut dire que c'est pas le meilleur des croyants, c'est que celui-là. C'est celui-là, mais il y en a d'autres. On continue. Allah, le prophète alayhi salam dit, un homme à qui Allah a donné de l'argent, une fortune, celui-là t'as droit de l'envier. Si le prophète te dit t'as droit de l'envier, c'est qu'il a une énorme récompense bihawlillah azza wa jal auprès d'Allah azza wa jal. Un homme à qui Allah a donné une fortune et lui a donné la force de dépenser fi sabilillah azza wa jal dans le sentier d'Allah et pour les causes justes. Si tu vois quelqu'un, il fait, t'as droit de l'envier. D'accord? La deuxième personne, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, rajulun, un homme à qui Allah Azza wa Jal a donné une hikma, une sagesse. Un homme à qui Allah a donné une hikma, une sagesse, qui l'emploie, écoutez bien, pour arbitrer les litiges entre les gens. Ah. Yahkum bayna an-nas, yahkum bil hikma, ou bi hikmatin. Il juge, il utilise cette hikma, cette sagesse, pour ici arbitrer entre les gens. D'accord? Écoute bien. Et il l'enseigne aux autres. Masha'Allah. Donc, cette deuxième personne, tu as droit de l'envier. C'est une personne à qui Allah lui a donné cette sagesse-là. Mais qu'est-ce qu'il fait de cette sagesse-là? Il l'utilise pour, ici, arbitrer entre les gens. D'accord? Donc ça, c'est un grand bienfait. Le fait d'avoir de la sagesse et de pouvoir arbitrer entre les gens. Et si tu vois qu'il y a une personne sage dans ton entourage, et ici, il est proche de toi, remercie Allah Azza wa Jal jour et nuit. Parce qu'on a tous des problèmes et on a tous besoin des arbitres. Lors de nos problèmes, لأن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Si vous avez quelconque dispute, renvoyez-le à Allah et à son messager. Mais c'est pas n'importe qui renvoie les situations à Allah et à son messager. C'est qui? C'est une personne qui a de la science, qui a la bonne compréhension, qui a le hikma, la sagesse. Pourquoi? Parce que ici, même si tu as de la science, mais tu n'as pas la bonne compréhension, tu n'as pas le hikma, tu vas faire peut-être n'importe quoi avec cette science. وَقُلْنَا أَنَّ الْحِكْمَةَ وَضْعُ الشَّيْءٍ فِي مَوْضِعِهِ. C'est de mettre chaque chose à sa place. Cette personne qui va venir arbitrer avec, non, ce n'est pas sans sagesse, avec sagesse, on a dit, cette science, il va savoir comment la transmettre, de quelle manière, à quel moment. D'accord? Il va voir que même dans un conflit, même si c'est Mohammed qui a raison et Karim qui n'a pas raison, il sait que dans cette situation, il y a plus d'intérêt de pas trop montrer à Mohammed qu'il a plus raison, d'accord? Pour pas qu'ici, il garde la haine qu'il a envers Abdullah, par exemple. Et il sait dans une autre situation que si, il faut montrer clairement à Abdullah que toi t'as tort et lui il a raison, parce que Abdullah il est têtu. Et il continue à répandre son mal. Et qui va le faire? Al-Hakim, le sage. La science, il va savoir comment l'utiliser. Cette science, il va savoir comment la transmettre, comment la mettre en application. Les deux personnes que tu as droit d'envier, parmi ces deux personnes, une personne à qui Allah Azza wa Jalla a donné al-hikmah, et qui l'utilise pour arbitrer entre les gens, d'accord, et qui l'enseigne aux gens. Khalas, il la transmet aux gens, il l'enseigne aux gens. C'est Allah qui donne, mais Allah il veut des causes, clair. C'est pas toi qui vas dire, ou un savant, tiens, je vais te donner al-hikmah. Non, c'est Allah qui donne, mais le savant est la cause ici, et une des causes, parmi les causes qui font qu'Allah va te donner cette sagesse-là. D'accord ? Il va te permettre de mettre en application les choses qui vont te donner ou qui vont faire qu'Allah va te donner ce qu'on appelle al-hikma. Clair ? Donc on peut l'envier, mais sans zen, sans la haine. On dit, masha Allah, tabarakallah, j'espère et j'invoque Allah Azza wa Jal pour qu'il me donne la même sagesse que qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. D'accord ? Ça, c'est l'hikma. Clair ? On n'est que dans une parole, on n'est que dans un mot. Kalima. Al-hikma. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. On a compris ? وَلَقَدْ آتَيْنَا. D'accord ? Allah, il nous rappelle que c'est Allah qui donne. D'accord ? C'est Allah Azza wa Jal qui donne. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَرْزُقُهُ أو وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, on va lui donner des issues favorables et lui donner son risque, d'où il ne s'attend pas. Un risque, c'est pas que l'argent. D'accord ? C'est quoi un risque ? Tout bienfait qui vient de la part d'Allah Azza wa Jal. Une femme pieuse, c'est un risque. D'accord ? De l'argent, c'est un risque. Al-ilm, c'est un risque. Al-hikma, c'est un risque. D'accord ? C'est qui donne ? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ. C'est Allah qui lui donne des issues favorables. D'accord ? وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Comme par exemple, des gens disent, c'est l'argent aussi. À titre d'exemple, l'argent ? Oui, mais je peux pas, comment je vais faire ? Moi, si je travaille pas dans le port, je vais pas avoir mon argent, je... Subhanallah. Je vais pas avoir mon argent si je travaille pas dans le port. Regardez. Ici, là, pourquoi ça fait rire tout le monde et ça choque tout le monde ? Parce que là, on est dans quoi ? On est dans une assise de science. Ça fait une demi-heure ou trois quarts d'heure qu'on entend « قال الله وقال الرسول بفهم سلف الأمة » et on voit et on goûte à la science. Quand tu as la science, tu as plus de lumière. Quand tu as la lumière, tu vois quelque chose ici qui est néfaste pour la religion ou qui est faux, tu le vois clairement. Et là, c'est pour ça que ça nous choque, parce qu'on voit clairement là. خلاص, parce qu'on a une certaine lumière par la permission d'Allah عز وجل « وهذا من فضل الله عز وجل » Mais billahi alaykoum, qu'est-ce qu'on répond à cette personne ? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. C'est Allah qui dit, Allah imam, hacha wa kalla. Celui qui craint Allah, on va lui donner des issues favorables. Et en plus de ça, on va lui donner sa subsistance. Est-ce qu'Allah dit, on va lui donner sa subsistance tout simplement ? Ah, مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ حَتَّى لَا يَنْسَى الْإِنسَانَ أَنَّ الرَّزَّاقُ هُوَ اللَّهِ. Jusqu'à ce que la personne n'oublie pas que le Razzaq, le pourvoyeur, c'est Allah. Allah, il dit, on va lui donner sa subsistance, d'où il ne s'attend même pas. Pour qu'Allah, il te rappelle, c'est moi qui donne le risque. C'est pas Foulaine ou la je ne sais qui. Toi, fais les causes, mais dans le halal. Après, place ta confiance en Allah, Azza wa Jal. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. يعني يكفي. كما قال العلماء. Allah, il te suffit, ya Abdallah. Mais le risque, c'est pas que de l'argent. C'est l'iman, c'est la foi, c'est la science. C'est la piété, c'est la sagesse, c'est la droiture. Tous les bienfaits qui font partie des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, c'est un risque. وَهَذَا وَكُلُّ ذَلِكْ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Tout cela fait partie de quoi ? De la subsistance qu'Allah Azza wa Jal donne à son serviteur. Ou alors du risque, d'accord, de ce que Allah Azza wa Jal octroie à ses serviteurs. Clair ? وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أو الْحِكْمَةَ. Pourquoi ? Pour qu'il puisse agir avec cette sagesse. D'accord ? Il lui a donné un grand bienfait, un bienfait immense. Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il s'est arrêté là ? Non, il dit « Anishkur lillah ». C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal rappelle que Luqman, il doit obligatoirement, c'est un ordre divin, il doit obligatoirement être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal pour le bienfait qui lui a été donné. Claire. « Wa laqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah ». D'accord ? Pour qu'il soit, donc Allah il dit, sois reconnaissant envers Allah, c'est un ordre, sois reconnaissant envers Allah. On a dit la règle dans Usul al-Tafsir, les fondements de l'exégèse, d'accord, on passe dans les fondements de l'exégèse. Comme il a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, quand Allah Azza wa Jal révèle un verset coranique, ce verset coranique il est général ou spécifique à une personne ou à une époque? C'est quoi la règle générale? Il est général. Tant qu'il n'y a pas une preuve qui nous montre que c'est spécifique. Par exemple, Allah Azza wa Jalla, il parle de qui ? De Luqman. Est-ce qu'on a le droit de dire, tout ce qui va venir et ce qui va suivre, c'est que pour Luqman ? C'est-à-dire, il n'y a que Luqman qui doit être reconnaissant envers Allah. Non. Sauf si on a une preuve qu'un verset, il a été abrogé, c'était spécifique pour une époque, ou pour une situation, ou pour un compagnon ou une personne. Mais si on n'a pas de preuve, c'est âme, c'est toujours général. D'accord ? Et ça a appliqué même par nous au jour d'aujourd'hui. D'accord ? Donc Allah il dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ. D'accord ? Ça c'est un ordre à toute personne qui a été comblée de n'importe quel bienfait de la part de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala il doit obligatoirement être reconnaissant envers son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Voilà l'explication. Toute personne à qui Allah a donné un bienfait et dit, si tu veux, al-hikmah, ou même un autre bienfait, d'accord, il doit obligatoirement être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal pour pas être ingrat envers son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Fahimtum? Ça c'est clair? Donc ici, toute personne doit être reconnaissante envers Allah Azza wa Jal, et c'est un ordre, comme Allah Azza wa Jal a ordonné Luqman d'être reconnaissant. Ya'murullahu Jalla wa ala abdahu Luqman, il a ordonné son serviteur Luqman de le remercier pour ses bienfaits, et particulièrement ce grand bienfait qui est quoi? Al-hikma. Walidha qala al-ulama, falwajibu ala kulli muslim an'ama Allahu tabaraka wa ta'ala alayhi bin ni'ma an yashkura rabbahu subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça les ulama, ils ont dit, c'est obligatoire, d'accord, pour tout croyant et croyante, musulman et musulmane, à qui Allah a donné un bienfait, n'importe quel bienfait, c'est obligatoire d'être reconnaissant envers son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Comment remercier Allah Azza wa Jal? Comment être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal? De quelle manière? Est-ce que c'est avec le cœur? Est-ce que c'est avec la langue? Est-ce que c'est avec les membres? Est-ce qu'on doit être reconnaissant qu'envers Allah ou aussi envers les gens? Tout ça dans les détails, bihawlillah Azza wa Jal, parce qu'on n'a pas le temps. Ici, on va le voir la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu ala kulli khair.